dans le grand large. Lantoc est à l'avant, accoudé au beaupré, la pipe immobile au coin gauche de la bouche, l'œil fixé au loin, grommelant. Pas malheureux que la chandelle du bon Dieu se mette à clairer. On va pouvoir voir venir. Dans l'est, une lueur très pâle annonce le prochain lever du jour. Mais l'ouest demeure obscur, enveloppé de vapeurs qui tombent d'en haut et montent d'en bas. Aussi loin qu'on peut porter les regards, rien que le ciel et l'eau. De longues lames lourdes ondulent, puis se brisent en arrivant au terme de leur course, à la rencontre d'autres lames et s'épanouissent en panaches d'écume blanche. D'immenses nuages couleur de sépia s'échevèlent, courant avec une vitesse excessive vers le sud-ouest. Entre ce couvercle de nuées basses et ces vagues blanchissantes, le cutter incliné sur bâbord, deux risses dans sa grand-voile, montrant le moins de toile possible, glisse, éventrant la mer qu'il creuse d'un sillon profond. Toute la soirée, depuis qu'il a quitté l'anse de Primel, toute la nuit, le cutter a navigué, tirant des bords, sans perdre de vue la pointe de Primel, les Triagoses Roscoff. À cette heure, il se trouve à mi-chemin entre l'île de Bas et Plymouth, entre les côtes de France et d'Angleterre. En v'là du bon temps perdu, et rien, toujours rien, à croire que ces mauvais pêcheurs auront eu la berlue avec leurs trois mâts. La colère du maître grandissait, grossit de toute sa déconvenue. Autour de lui, c'est le réveil. Les anciens, à l'exemple de Lantoc, grondaient déçus dans leur espoir de combat prochain, de prises rapides et fructueuses, et les nouveaux, moins habitués, bien qu'ils fussent pleins de courage et de résolution, ne cachaient pas une légère satisfaction de savoir l'heure de la bataille encore reculée, moins voisine. « Voile par tribord avant !» Les mots tombèrent avec une lourdeur de plomb, arrêtant les commérages, faisant battre les cœurs, comme s'ils descendaient du ciel. Ah, le vieux malin! Il avait placé une vigie dans le mât de Hune. Kéribin riait, désignant Lantoc du geste. Une émotion courut sur toute l'étendue du cutter. Thor Heppen venait de surgir de sa cabine, longue vue au point. Déjà, il était installé à l'avant, coude à coude avec son maître d'équipage, qui souriait, silencieux. Il l'interrogea. « Tu l'avais vu le premier, je suis sûr, vieux Lantoc. » Ce n'était encore qu'un point à l'horizon, une vapeur blanche, d'un blanc gris sur l'obscur épais des nuages entassés à la ligne d'horizon, mais bientôt l'aigu d'une aile d'oiseau se dessina, grandit, et Thor Heppen joyeux cria « Trois mâts, c'est bien lui !» Les conjectures se formulèrent. « Je parie pour un bon commerçant tout chargé d'épices, un lourdeau à gros ventre. » Et moi pour des piastres à pleine tonne. » Kéribin ricana. Vous ne voyez que le butin et pas les dents, gourmand. Et si c'était une frégate, un bâtiment de guerre comme celui que nous avons eu le plaisir d'éviter par le travers des Triagoses en venant à Primel? Tanguy rectifia. Il ne serait pas même cousin, aussi vrai que je le dis. C'est un trois-mâts de commerce, pas autre chose. Possible qu'il ait des canons pour la forme, histoire d'effaroucher les indigènes des pays où il vient. « Mais pas pour tenir contre nos caronades. Nous pouvons crier « Épave à la côte, il est à nous !» À l'avant, le capitaine, l'œil à la longue vue, conversait avec Lantoc. Trois mâts tout seul, aucune escorte. Il marche sans défiance. Il ne nous a sûrement pas encore aperçus. « Faut-il encore diminuer la toile ?» questionna le maître d'équipage. « Quoique nous n'en ayons guère, autant dire pas du tout. »« Bah !» Plus besoin de nous cacher, il court grand largue et marche bien. Mais nous courons mieux que lui et nous sommes ses maîtres quand nous voudrons. Au contraire, nous allons lui couper la route, le vent est pour nous. On peut se montrer. La pipe disparut des lèvres de Lantoc et le sifflet prit sa place, lançant ses premières modulations perçantes. Aussi, un grand mouvement s'exécuta sur le pont. Des hommes désignés d'avance et qui n'attendaient que ce signal coururent au cordage. Quelques instants après le penbase, sa grand voile gonflée, grand foc, trinquette et petit foc gréé, portant tout ce qu'il pouvait mettre dehors, coupait la mer d'une allure plus rapide. « Ah ah, nous sommes signalés, il y a des hésitations là-bas, » remarqua le jeune corsaire, qui avait continué de surveiller le trois-mâts. Lantoc se frotta les mains d'un mouvement de contentement et portant de nouveau le sifflet à ses lèvres. « Alors, branle-bas de combat, on va s'amuser !» Thor et Pen fit. « Te voilà à ton affaire, hein, vieux caïman. Vas-y !» L'ordre donné, ce fut comme le réveil d'une fourmilière. Les uns coururent prendre leur poste auprès de chaque caronade, qui se trouva instantanément flanquée de son pointeur et de ses servants. Les autres, dégringolant les escaliers, coururent décrocher les espingoles, les tromblons, les piques, les pistolets, les sabres, les coutelas, les haches d'abordage, ou chercher les hamacs et les filets afin de les disposer autour du bordage, dans le but d'éviter l'éparpillement des éclats de bois que produiraient les projectiles de l'ennemi. Le calier ouvrit la soute aux poudres et aux munitions, et chacun se prépara à l'attaque qui ne pouvait plus tarder, car le cutter, gagnant rapidement, se rapprochait du trois-mâts dont les manœuvres indiquaient une certaine indécision. « A-t-il peur ou est-ce une feinte pour mieux nous attirer ?» fit Kéribin soupçonneux. « Il voit que le vent est pour nous et il ignore qui nous sommes !» riposta Tanguy. « C'est qu'on en a vu de ces bons pères tranquilles se transformer tout à coup en dogues enragés !» continua le contremaître, tout en assurant dans sa main la large coquille de son sabre. Il n'achevait pas qu'une lueur brilla à l'avant du trois-mâts, tandis qu'un pavillon montait à sa corne et un sifflement caractéristique passa à un pied au-dessus de la tête de Kéribin qui repartit. « Hein, quand je le disais, pavillon anglais, et c'est à Boulet qu'il a tiré le gredin. En v'là un salut d'insolent !» Mais le maître d'équipage veillait. Les moines n'étaient pas encore dissipés que courbé lui-même sur l'une des caronades, il envoyait la riposte. « Ho, ho, bravo, vieux Lantoc, en plein bois qu'il a reçu le coup l'angliche !» Déjà le pavillon aux trois couleurs brillait à la corne de la grand-voile, et l'équipage du cutter criait « Vive la France ! Vive l'empereur !» Aurait-il l'intention de se défendre ? C'est pas croyable ! Il n'a pas plus de 4 canons, assura Tanguy. « Patiente un peu, voilà qui le fera taire et le calmera !» reprit Kéribin, indiquant les 7 caronades dont les boute-feu touchaient déjà les lumières. Ce fut un grondement terrible. La rafale de l'abordée s'abattit hurlante sur le trois-mâts qu'elle couvrit d'une vague de mitraille. Un craquement sec répondit. La misaine s'abattait, masquant tout l'avant de ses débris, de ses voiles et de ses agrès. Le trois-mâts était immobilisé. « À l'abordage ! À l'abordage ! Nous le tenons !» Impatient, l'équipage entier du cutter se dressait debout sur le bordage, accroché aux agrès, agitant ses sabres, ses haches, ses pistolets. « Méfiance ! Cria une voix. « Il est enragé, le gueux ! Il veut se faire massacrer !» Une double détonation gronda et un double sillon de fer, de plomb et de flammes traversa le pont du cutter, le semant de morts et de blessés. Un cri de rage répondit à cette riposte. En même temps, le petit bâtiment rangeait l'anglais à tribord et les grappins s'abattaient dans les agrès. « À l'abordage ! Thor et Pen ! Thor et Pen ! En avant les Bretons !» Thor et Pen, le premier, sauta sur le pont de l'anglais, hache au poing, tandis que les hommes hurlaient son nom comme cri de guerre. « Casse-lui la tête ! Casse-lui la tête !» Les Français eurent la surprise de se heurter à une 100aine de soldats, bien alignés sur plusieurs rangs, baïonnettes croisées, commandés par des officiers. Malgré cela, la résistance fut de courte durée, car le premier feu de salve reçu, les 50 Bretons, sans attendre que les fusils eussent pu être rechargés, tombèrent hache ou sabre en main, sur le pont et se jetèrent aussi héroïquement sur les baïonnettes des Anglais qu'en un instant ceux-ci rompus, attaqués de tous côtés, durent battre en retraite. Aussitôt, Lantoc, Postec et Kéribin, tournant contre les canons du trois-mâts, menacèrent de les exterminer en les mitraillant s'ils ne se rendaient pas. Un seul officier anglais survivait, il tendit son épée et fit mettre bas les armes à ses hommes. L'explication de cette résistance inattendue fut donnée à Thor et Pen quand on lui eut appris que, en effet, le City of Plymouth était bien un simple navire de commerce des Indes orientales, mais que, par exception, au moment où il passait de l'Atlantique dans la Manche, l'escadre qui croisait devant Brest avait jugé à propos de le charger de ramener en Angleterre une compagnie d'infanterie que l'on voulait rapatrier. De là, l'hésitation qui avait été remarquée à bord, au moment où le cutter avait été aperçu, et surtout quand le capitaine du City avait compris combien la marche de ce léger bâtiment était supérieure à celle du trois-mâts, beaucoup plus lourd et considérablement chargé. Il avait avoué aux officiers anglais qu'il n'était en état ni de fuir, ni de tenir contre ce corsaire. Mais ceux-ci avaient exigé le combat, comptant sur le nombre et la discipline de leurs hommes. Le résultat avait trompé leurs espérances. Thor Heppen amarina sa prise, fit débarrasser le pont du trois-mâts des débris du mât de misaine, laissa à bord une vingtaine d'hommes sous le commandement de Postec, de Kéribin et de Tanguy, en les choisissant à dessein parmi ses meilleurs et ses plus anciens matelots, répartit les soldats anglais entre les deux bâtiments, en ayant soin de faire monter sur le cutter l'unique officier survivant et tous les gradés, et plein de joie, s'empressa de faire voile sur la rivière de Morlaix. Sa crainte était l'intervention de quelques croiseurs de la flotte de Cherbourg ou de celle qui bloquait Brest, dont l'attention eût pu être attirée par la violente canonnade qui venait d'avoir lieu. Embarrassé de sa prise, gêné dans sa défense, il eût couru de grands risques si une frégate, un brick ou une corvette était venue fondre sur lui avec son artillerie supérieure au moment où il rentrait en France. Il put se rassurer en constatant qu'aucune voile ne paraissait à l'horizon et que le vent continuait à lui être favorable. Bientôt, une ligne grise se dessina sous la lumière d'un pâle soleil trouant l'amas des nuages. L'Antoque, qui veillait comme d'habitude, annonça « Terre à l'avant !»« Les clochers de Saint-Paul-de-Léon !» observa Kergustel, qui avait une tendresse pour la fameuse petite ville aux trois clochers à jour. « Ça fait plaisir à revoir après un pareil coup de chien, comme on aura plaisir à revoir celui de Saint-Jean-du-Doigt, » affirma Poulzic. Ils étaient là, tous deux, joyeux d'avoir pris part au combat, d'avoir reçu ce baptême du feu sans même une blessure, bien que l'équipage du cutter eût été assez éprouvé. Du reste, ils s'étaient comportés assez vaillamment pour mériter les félicitations personnelles de Thor Heppen, qui les avait remarqués sur le pont de l'Anglais, au premier rang des assaillants à ses côtés, et qui avait semblé particulièrement satisfait d'apprendre qu'ils étaient tous deux du bourg de Saint-Jean-du-Doigt. Il avait même dit « Saint-Jean-du-Doigt devait vous protéger, ainsi que le Penbaz ». Et dans sa mémoire se gravaient les paroles d'Anne Guisnou, lui promettant de brûler un cierge pour sa victoire. Auprès de l'Antoque, ce souvenir lui revenait tandis qu'il voyait la terre se rapprocher peu à peu et qu'il sentait son cœur s'emplir de joie douce et d'orgueil, se répétant « J'aurais été digne d'elle, digne de ces Guisnou dont elle est ». Il rêvait, heureux, n'écoutant qu'à peine les rares observations que lui faisait le maître d'équipage indiquant « L'île de Bas, la pointe de Primel, la rivière de Morlaix, l'île Callot, Paimpoule ». C'était à Morlaix qu'il devait avant tout conduire sa prise, qui n'eût pu pénétrer dans l'anse de Primel pour l'y laisser, faire débarquer ses prisonniers et les remettre aux autorités militaires, puis soumettre le chargement du trois-mâts au tribunal des prises, afin que les parts fussent régulièrement adjugées à son équipage. Le pont avait été hâtivement lavé, les morts jetés à la mer, les blessés provisoirement pansés et soignés en attendant les secours et les soins qu'ils recevraient à l'hôpital de Morlaix. Paul Kergustel et Sylvestre Poulzic causaient toujours, très fiers de leur première sortie et des éloges reçus, sans remarquer que, de l'endroit où ils se trouvaient, il était facile au maître d'équipage et au capitaine de surprendre ça et là quelques phrases de leur conversation. Bien sûr que v'là le Penbaz plein de gloire à cette heure. C'est la visite de sa marraine qui lui a valu ça, affirmait Poulzic. Kergustel cligna de l'œil avec malice. Et Poulzic, avoue qu'on en voudrait bien d'une douce comme cette jolie reine en sabots. Mais ce n'est pas pour nous. « C'est bien trop fin, trop beau, et puis qu'on l'assure la fiancée du bon Dieu. » Poulzic fit une moue. « Ça, j'en ignore. Ce qu'il y a de sûr, c'est que jamais au grand jamais, entends-tu, Pierre-Marie Guisnou ne la donnerait à un de nous rapport au passé. »« Nous n'y sommes pour rien, cependant. Tu veux rire ? » ?»« Il a englobé, qu'on m'a dit, tout Saint-Jean-du-Doigt dans sa rancune contre l'autre, tu sais, le Guisnou de chez nous. »« Ah, ce maudit !» fit Kergustel. Pourtant, son corps repose en terre sainte, comme celui d'un bon chrétien, on a peut-être oublié depuis le temps. Poulzic insista. « En terre sainte, si on veut. Tu veux dire à l'écart, comme un renégat qu'il est, dans cet angle perdu derrière la chapelle funéraire où personne ne va jamais, vu que c'est un endroit de pestiférés. Mais Kergustel releva la tête. « Personne, tu crois? Eh bien, moi, je sais quelqu'un qui y va. Pas souvent, c'est vrai. Mais je l'ai vu, moi, qui te parle. »« Madoué, je serais curieux de savoir, » reprit Poulzic. « Et qui donc, dis un peu ?» Son camarade répondit. « La vieille Tinaïque Cornou. Hein, tu ignorais ?»« La sorcière, bah, eh bien, ça m'étonne pas. Elle le surveille comme sa proie, peut-être aussi pour le compte du bonhomme. Arpod cause, l'autre, le démon Satan. » Kergustel regarda autour de lui avec terreur. « Veux-tu te taire, ne pas parler de lui ici, ça porte malheur des fois !» Depuis un moment, sans s'en rendre compte, Lantoc et Thorhépen écoutaient. Les mots leur arrivaient sans les frapper d'abord plus que d'autres. Cependant, le jeune homme avait été attiré par le nom de Guiznou, de Saint-Jean-du-Doigt. Cette allusion au cimetière, à une tombe maudite où ce nom de Guiznou se trouvait, il se pencha vers le maître d'équipage. « Que comptent-ils là, ces deux gars de Saint-Jean-du-Doigt ?» Lantoc écouta, perçut précisément les phrases où il était question de la vieille femme, eut un choc du doigt contre son front, comme si quelque souvenir lui fût revenu, et dit, moitié riant, « Ils parlent d'une vieille de chez eux qui serait sorcière, une nommée Tinaïque Cornou. Je ne la croyais plus vivante, c'est curieux, ça, des choses de jeunesse. » Il souriait, se disant tout bas, sans l'avouer, comme d'une joyeuse escapade, « Faudra que je la revoie, la Tinaïque, la première fois que j'irai à Saint-Jean-du-Doigt. » Thorhépen songeait, « Une tombe maudite, un Guiznou à Saint-Jean-du-Doigt. Qui cela peut-il être? Il faudra que je voie, que je sache. Aussi bien je dois aller à l'église à cause du cierge brûlé pour nous. Le château du taureau à bâbord !» annonça Lantoc. Le cutter et sa prise entraient à pleine voile dans la rivière de Morlaix, saluant sur leur gauche, au passage, le château du taureau qui répondit à leur salut.